le lundi 13 février, ici Dominique Lelièvre et les informations. Justin Trudeau a été accueilli par Donald Trump à la Maison-Blanche il y a un peu plus d'une heure maintenant dans le cadre d'un premier tête-à-tête. Le premier ministre du Canada est accompagné de ses principaux ministres avec pour objectif de rappeler l'importance des liens économiques entre les deux pays et de minimiser les impacts du protectionnisme américain. Les deux chefs d'État pourraient aborder également d'autres enjeux, d'autres sujets contentieux comme l'immigration et l'environnement. Une conférence de presse conjointe est prévue en après-midi. Scène municipale, le Petit Théâtre de Québec s'est vu remettre ce matin par la ville la somme de 65 000 $. La salle de spectacle du quartier Saint-Sauveur souhaite poursuivre son développement après son ouverture en 2014. L'enveloppe va lui permettre de diversifier sa programmation, de se faire connaître et de se procurer de nouveaux équipements. Présent à l'annonce, le maire Régis Labeaume a souligné l'importance de soutenir l'entrepreneuriat local et en particulier dans le domaine de la culture. Le Festival d'été de Québec annonce la venue de Metallica le 14 juillet prochain sur les plaines d'Abraham. Le groupe de métal va renouer avec le public de Québec, qu'il connaît bien pour y avoir tenu de nombreux concerts, dont un qui a attiré une foule monstre sur les plaines d'Abraham il y a 6 ans. Rappelons que la programmation complète du 50e Festival d'été de Québec sera dévoilée le 8 mars prochain. Le bras de fer entre le gouvernement du Québec et ses juristes se poursuit. Après avoir bloqué l'entrée du Conseil du Trésor ce matin, les avocats et notaires de l'État ont entamé un nouveau recours juridique au tribunal administratif du travail. Ils réclament près de 20 millions de dollars au gouvernement, dommages et intérêts. Ils avancent que ce dernier a fait preuve de mauvaise foi dans les négociations qui durent depuis maintenant 17 semaines. Enfin, l'expérience du service rapide par bus en France est de bon augure pour Québec. Le Journal de Québec présente ce matin dans ses pages l'expérience de Metz en France. Avec un taux de satisfaction de 80%, le SRB de Metz, inauguré en 2013, plaît à la population locale. Elle en apprécie la rapidité et le confort. L'achalandage est en augmentation constante, mais tout n'a pas été parfait. La phase de construction s'est avérée très pénible pour les citoyens et le projet a coûté plus d'une fois et demie plus cher que prévu. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. Alternance de soleil et de nuages aujourd'hui à Québec, poudrerie par endroits, non en raison de chute de neige, mais parce que les vents sont assez présents à 20 km/h et rafales à 40 et même rafales à 60 près du fleuve cet après-midi. Le mercure va monter jusqu'à moins 4 degrés. Demain mardi, c'est généralement nuageux, maximum de moins 11. Mercredi, de la neige intermittente avec moins 6. Présentement à Québec, c'est généralement nuageux. Il fait moins 4 degrés. Et on ressent moins 11 avec le refroidissement éolien.